Je le vois encore, ce billard. Un solennel billard à blouse, du temps de Louis XIV, décoré de grosses têtes de lion à ses quatre coins, têtes de lion qui ouvraient avec bruit leur gueule en cuivre chaque fois qu'au hasard de la partie, une bille tombait dedans. Les billes, d'ailleurs, étaient en buis, les queues sans procédé, et les bandes antérieures, paraît-il, à l'invention du caoutchouc, semblaient rembourrées de lisière. Quant au tapis, qui en décrirait les reprises sans nombre et les maculatures? Mon ami Naz, ce jour-là, gagnait tout ce qu'il voulait. Pourquoi ne s'arrêtait-il pas à temps? Et d'où vient cet amer plaisir que trouve l'homme à tenter la destinée? Naz gagnait tout. Partie, revanche et belle. Il n'avait qu'à s'en aller, il resta. Il n'avait le dernier coup fait qu'à poser la queue glorieusement. Il préféra le dernier coup fait et marqué garder la queue en main pour continuer sa série.